jour s'endort sur la ville, la lumière doucement s'évapore, des visages, des ombres qui défilent, laissent place à un silence de mort. La nuit s'approche, la nuit se répand, elle s'écroule le long des rues, submerge les murs de béton, glaciale. Elle s'engouffre dans ma chambre. Mon âme est nue, elle le sait, elle vient la prendre. La nuit est belle, la nuit est immense. Promesse de voyage, de sirène, de danse. La nuit m'appelle, elle est immense.